fait son sac à dos. Basi baza, basi baza, c'est le bazar. Tao fait son sac à dos. Basi baza, basi baza, c'est le bazar. Une casquette, des lunettes, ce serait vraiment bête de prendre un coup de chaud et de rentrer illico. Des plantes, des remèdes, ça peut venir en aide si jamais il y a un hic ou des piqûres de moustiques. Tao fait son sac à dos. Basi baza, basi baza, c'est le bazar. Le savon pour toujours sentir bon. Quelle que soit la situation, il faut savoir rester mignon. Tao fait son sac à dos. Basi baza, basi baza, c'est le bazar. Un pull, des gants, il faut prévoir pour tous les temps. Le froid, c'est pas rigolo, ça gêne. Tao est décidé. Ça y est, il a préparé son sac à dos et s'apprête à partir. « Je veux découvrir le monde et ses habitants », disait-il à tous ceux qu'il croisait.